Face à ce qui apparaît comme une incontestable menace, Kadhafi fixe une ligne de mort. Une ligne de mort, ça veut dire quoi, ça? C'est une ligne abstraite, empruntant le 32e parallèle, en deçà de laquelle ses avions ou ses bâtiments seront autorisés à ouvrir le feu en cas d'intrusion. Ce faisant, il élargit considérablement la limite de ses eaux internationales, puisque pratiquement tout le golfe de Sirte en fait dorénavant partie. Sur le plan international, est-ce légal, ça? Non, pas vraiment. Mais la menace est là, bien réelle. Et je pense que Kadhafi a compris que cette fois, les choses étaient sérieuses. Oui, en fixant cette ligne de mort, alors il gesticule. En attendant, oui. Ouais, en attendant une attaque. Oui, parce qu'on ne déplace pas une telle armada pour faire des ronds dans l'eau. Toutefois, pendant quelques jours, il ne se passe rien. Les militaires américains procèdent à leurs manœuvres et c'est tout. Mais à partir de la mi-février, la situation devient de plus en plus tendue parce que les pilotes américains commencent à flirter avec la ligne de mort fixée par la Libye. Mmh. Réaction en face? Les MiG-25 libyens prennent l'air. On se frôle, on se jauge. Le moindre incident pourrait conduire à la déflagration. Mmh. Mais il n'y en a pas? Non, non. Et à Washington, on doit commencer à trépigner. Ah oui, parce qu'on croyait que ce fou de Kadhafi aurait du mal à se contenir. Oui, je le pense. Alors les États-Unis en remettent une couche, si je puis dire. Un troisième porte-avions arrive sur zone au mois de mars. Et comme Kadhafi ne bouge toujours pas, ce sont les Américains qui vont se livrer à une provocation. Réellement une provocation? Oui, oui, parce que même si la ligne de mort de Kadhafi est fictive et pas très légale, les militaires de l'US Navy pouvaient s'abstenir de la franchir. Donc c'est clair, ils cherchent l'incident quand, fin mars, des bâtiments américains entrent dans le golfe de Sirte et que, simultanément, des chasseurs survolent la zone interdite. Réponse de Kadhafi, hein. Les batteries antiaériennes font feu, mais les missiles antiaériens SAM-5 ratent leur cible. Peu importe. Reagan tient enfin le prétexte qu'il cherchait. Quelques heures après, la flotte américaine coule un patrouilleur libyen et l'aviation en profite pour détruire plusieurs radars et batteries de SAM-5. Alors là, c'est l'escalade. Pas tout à fait. Car Kadhafi, bien qu'il ait déjà perdu une centaine d'hommes, est bien conscient qu'il est incapable de riposter de manière efficace tant la puissance de feu américaine est impressionnante. Mais il annonce toutefois son intention de se venger. Et ça, ça ne peut que satisfaire la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce que les États-Unis pourront enfin se livrer à de vraies représailles? Naturellement, parce que tout est prêt. Les cibles ont été repérées et les pilotes des chasseurs-bombardiers des F-111 n'attendent que le feu vert de Washington. Et directement ou pas, Kadhafi va commettre la faute que Reagan attendait. Au début du mois d'avril, une bombe explose dans une discothèque de Berlin fréquentée par les militaires états-uniens. Vous avez dit directement ou pas, ça? Oui, oui. Ouais. Les services de renseignement américains affirmeront avoir capté des communications entre le bureau libyen à Berlin-Est et Tripoli. Mais aujourd'hui encore, on s'interroge sur la vraisemblance de ce message. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, qu'Abou Nidal ait pris l'initiative de perpétrer cet attentat. Abou Nidal, qui nous le verrons bientôt, n'était pas un personnage très clair. Oui, manipuler, vous voulez dire. Pourquoi pas? La police allemande n'aboutira pas aux mêmes conclusions que la CIA et dédouanera la Libye. En tout cas, quoi qu'il en soit, Reagan tient enfin son prétexte et il ordonne à ses F-111 de passer à l'attaque. Des chasseurs-bombardiers qui, rappelons-le, décollent de Grande-Bretagne. Hein. Et qui, en raison de l'interdiction de survol du territoire français, décidée par le président Mitterrand, doivent faire un long détour avant d'atteindre les côtes libyennes. Enfin, là encore, rien n'est très clair. Pourquoi? Parce que je pense que les Américains se sont affranchis de cette interdiction et ont pénétré notre espace aérien au niveau des Pyrénées. Attendez, avec l'accord des autorités françaises? Pourquoi pas? Le résultat, en tout cas, c'est que le raid sur la Libye est effectué et que la caserne où Kadhafi réside avec sa famille est frappée. Ouais, le but étant, rappelons-le, de tuer le leader libyen. Évidemment. Ouais. Kadhafi s'en sortira de justesse, mais l'une de ses filles y trouvera la mort. Il y aura des dizaines de victimes. Ça aurait d'ailleurs pu être plus grave, car quelques-uns des F-111 ont connu des problèmes et ont dû revenir à leur base. Mais c'est quand même un échec, puisque Kadhafi en a réchappé. Certes. Mais psychologiquement, au moins, Ronald Reagan a marqué un point et chez lui, il grimpe dans les sondages. Quant à Kadhafi, il a subi un véritable traumatisme. Ouais, parce qu'il a été frappé chez lui. Et qu'il se rend compte que les Américains étaient très bien renseignés. Puis il y a la mort de sa fille. Ouais. D'ailleurs, pendant 24 heures, il garde le silence. Puis il prononcera un discours très violent à la télévision et il disparaît. Il disparaît, où va-t-il? À son habitude, il va se ressourcer dans le désert, comme on dit aujourd'hui. Et on n'entendra plus parler de lui pendant plusieurs semaines. Et quand il réapparaîtra, on s'apercevra qu'il a recouvré tous ses moyens et qu'il est plus vindicatif que jamais. Mmh. Est-ce que ce raid-là met un terme, au moins provisoirement, aux actions américaines contre la Libye? Non. Non, les faucons de la Maison-Blanche sont furieux d'avoir échoué à tuer Kadhafi et ils n'entendent pas en rester là. Il faut d'ailleurs noter que tout de suite après le bombardement, la voix de l'Amérique diffuse un message qui est clairement un appel au soulèvement des Libyens. Un appel et aussi une menace. Tant que Kadhafi sera au pouvoir, le peuple libyen devra en subir les conséquences. C'est l'annonce d'autres raids, quoi.